j'avais pu me rendre utile, si j'avais pu sans dépenser un centime, si j'avais pu aller les voir, si j'avais pu soulager leur désespoir. Quand les vagues ont tout emporté, la vie là-bas s'est arrêtée. Putain de Noël pour des milliers, chez eux le Père Noël n'a pas dû passer. Tous les peuples se sont réunis, solidarité sans merci. On oublie pour un temps les conflits, seules les différences ne sont pas permis. Quand les vagues ont tout emporté, la vie là-bas s'est arrêtée. Putain de nouvel an pour des milliers, les amis de JM n'ont pas pu bouger. Avec le recul, les mois passés, on peut être fier de l'humanité. On peut croire malgré tout par les temps qui courent, croire à la vie de par cet élan d'amour. Quand les vagues ont tout emporté, on s'est senti coupable, s'est senti blessé. À leur vie refaire, on a contribué, même si certains ont su en profiter. Même si certains ont su en profiter. Même si certains ont su en profiter. Même si certains ont su en profiter. Même si certains ont su en profiter. Même si certains, on su en profiter.